des grandes vertes. Il y a si longtemps, il a oublié ce qu'est la lumière, il a perdu sa route, me tournant. La voie est pourtant déserte, il pourrait sortir en courant, mais il craint les jets de pierre qui l'ont tué. Auparavant, pour quelques lettres de vérité et qui parle de liberté. Parole ne touche pas, seul sur toi tu compteras. Je ne dirai plus rien, je resterai dans mon coin. Je n'écouterai plus rien, tout sera bien, tout ira bien dans mon coin. Des bruits envahissent les alentours, comme des silences inquiétants. L'avion passe, rase les toits, tu te relèves, tu es vivant. Seul de toi tu dépendras.